voulait détecter, voilà mes addictions. Mais la maladie dite, ça va durer jusqu'à quand? Je tatoue mon corps, j'ai des concepts qui fusent de partout, qui peut m'arrêter juste à temps. Je ne sais pas me limiter comme à déséquilibrer. J'aime trop le côté performant, j'aime trop le côté vie en grand, j'aime trop le côté vie sans gants. Un grand fan de musique, drogue et du hip hop. Combien de fois j'ai déjà arrêté? Il suffit que j'entende à nouveau sur la basse, frapper dans le torse pour qu'à la finale je m'y rejette. Je n'ai plus rien si je fais rien comme tous les terriens. Je lâche pas comme un acarien. J'ai la folie démesurée de la qualité, capitonner mes idées, casser dans mon terrain. Tout est pareil au niveau sexe. Si j'en ai pas vite, je me vexe. La relation devient complexe et tu deviens vite mon ex. Docteur, est-ce grave? Suis-je malade, malade? Moi et mes addictions en liberté, on se balade, s'balade. Cam! Ici personne ne smoke, la fumée vient des enceintes. Nos addictions viennent d'ailleurs, inutile de porter plainte. Tu veux nous freiner quoi? Check la sirène, confirme les craintes. Tu veux me dealer quoi? Écarter le chemin où je l'esquinte. Passe-moi la solo, je n'ai que dans la tête de 16 et du flow. Passe-moi la solo, ça m'aide à supporter mes fardeaux. Passe-moi la solo, après le bras gauche c'est le bras droit. J'ai dans la peau, ne m'arrête pas, seule ma folie guide mes pas. Je peux kicker mes mains de force, assis sur un arbre, je peux chanter comme un rouge-gorge. Et je fais le taf même dans les concerts coupe-gorge, car je suis un mordu comme Bill dans True Blood. J'irai pas en cure comme Amy, I don't wanna go to rehab. Accro à la pure, c'est la balle à Kurt Cobain. C'est vrai que j'ai la zig dans les veines, je peux pas chez la ajouter ma technique dans le code pénal, car tous les addicts me disent qu'elle fait mal. Tous dans le game, Shalikam c'est là, on fonce dans le mur, Ayrton c'est là. J'aime trop gagner, je sais pas lâcher prise. J'aime la compète et la conquête, j'ai des petites jambes, mais Dieu sait que je sais marcher vite. Tomber dans le flow quand j'étais petit comme le pote d'Astérix. Donc envoyez-moi les bidons que je les carchérise. Ram, combien voudrais-tu de ram? Car ma clique est dans le deal de rime plus puissant que des kills de quin. Rapodrome Airline pour les faire décoller. Rire comme un débile. Axel Foley. Ici personne ne smoke, la fumée vient des enceintes. Nos addictions viennent d'ailleurs, inutile de porter plainte. Tu veux nous freiner quoi? Check la sirène, confirme les craintes. Tu veux me dealer quoi? Écarter le chemin où je l'esquinte. Passe-moi la solo, je n'ai que dans la tête de 16 et du flow. Passe-moi la solo, ça m'aide à supporter mes fardeaux. Passe-moi la solo, après le bras gauche c'est le bras droit. J'ai dans la peau, ne m'arrête pas, seule ma folie guide mes pas. C'est là, j'ai ce rap dans les veines, le subutex n'a jamais suffi. La seringue est chargée, j'ai de flow mais l'adversaire me supplie. Je desserre le garrot, je suis prêt, ça fait plus d'une décennie. J'essaie de ralentir mais j'échoue, désolé pour vos familles. Après je sors en ville, Paname me colle à la peau. J'aime ses lumières, ses côtés sombres au son d'une tête de White Hall. Une visite guidée de mes pulsions, 100 km de la rémission. Je traverse les souterrains trop agiles, loin de la retraite, de la démission. Shooter à la victoire, mauvais perdant je le concède. Mes phalanges zouk avec les murs quand je flirte avec la défaite. La compétition j'aime, c'est niante, un peu comme ton steak. Serre-moi une dose d'adrénaline, je la bois cul sec. J'aime la nuit, l'odeur d'un grec, une manette pour te la mettre. Et je n'ai plus de clope au bec, je retourne fumer la couette. L'envie de vivre reste mon maître, sauter du haut de la crête. Non, ne jamais baisser la tête, j'effleure ma quête, puis je me check, c'est là. Ici personne ne smoke, la fumée vient des enceintes. Nos addictions viennent d'ailleurs, inutile de porter plainte. Tu veux nous freiner quoi? Check la sirène, confirme les craintes. Tu veux me dire quoi? Écarter le chemin où je l'esquinte. Passe-moi la solo, je n'ai que dans la tête de 16 et du flow. Passe-moi la solo, ça m'aide à supporter mes fardeaux. Passe-moi la solo, après le bras gauche c'est le bras droit. J'ai dans la peau, ne m'arrête pas, seule ma folie guide mes pas.